tourne en rond comme un agneau enfermé dans une cage. Les parois sont solides, le métal résiste à l'orage. J'ai tout essayé d'étendre et les arracher. Je deviens fou, oui fou, allez. Rends-moi la clé, s'il te plaît, rends-moi la clé. Il est encore temps de te reprendre et puis de penser aux conséquences de cette action insensée. Regarde-moi bien là dans les yeux. Ne vois-tu rien de dangereux? Et approche-toi, approche-toi encore un peu. Laisse-moi partir, laisse-moi repartir d'où je viens. Laisse-moi danser avec les miens. Je vois des gens qui peignent pour rentrer là. Ils ne sont pas si grands que ça. Montrer aux enfants les étincelles d'argent qui brillent dans nos yeux de temps en temps. Les griffes et les crocs sont usés maintenant. Laisse-moi partir, laisse-moi repartir d'où je viens. Et laisse-moi danser avec les miens. D'inattention pour le dévorer, le dompteur était si bon. Depuis que je traîne dans les allées désertes, j'ai encore faim, j'espère bien qu'il en reste un peu de chair fraîche pour faire la fête. Laisse-moi partir, laisse-moi repartir d'où je viens. Et laisse-moi danser avec les miens. Et laisse-moi repartir d'où je viens. Et laisse-moi danser avec les miens.